injusticias sin valor ni humanidad. Como un puñal que hiere sin piedad, así es la ley del Winca para el Peñi siempre en cada tribunal. Olvidan que el Mapuche siempre estuvo antes de constituciones, parlamentos, ni hablar de legislaciones. Dicen gobernar a todos con igualdad, solo quieren someter al Mapuche, dominar. Mapuche en la historia, en la lucha por defender derechos, roban paz, siembran dolor. Mapuche en la historia, en la lucha contra perros rabiosos, solo quieren destrucción, robando paz, siembran dolor. Ignorantes asesinos que se esconden tras la ley de esta nación. Defiende sus derechos, territorios con la fuerza policial. Y la razón le han guardado en los cañones, en los golpes, balaceras, crueldades, todo envuelto en su bandera. ¿Hasta dónde llegará? Se pregunta el Pehuen, le pregunta el Canelo hacia el cielo a nuestro Chauguenechen. Ya se quebró el silencio en esta tierra sagrada. Cañones que disparan, armonía asesinada. Mapuche en la historia, en la lucha por defender derechos, roban paz, siembran dolor. Mapuche en la historia, en la lucha contra perros rabiosos, solo quieren destrucción, robando paz, siembran dolor. Ignorantes asesinos que se esconden tras la ley de esta nación. Mapuche en la historia, en la lucha por defender derechos, roban paz, siembran dolor. Mapuche en la historia, en la lucha contra perros rabiosos, solo quieren destrucción, robando paz, siembran dolor. Ignorantes asesinos que se esconden tras la ley de esta nación. Voilà, bonsoir. Alors maintenant, nous avons un invité, enfin des invités, parce que vous êtes nombreux là. Nous avons Pavel, qui est déjà venu à la radio plusieurs fois. Alina. Raphaël. Dalma. Donc ces personnes sont venues pour nous présenter une rencontre européenne sur des associations et des différents mouvements concernant les Mapuche. C'est ça ? Voilà. Donc, Puisque je ne connais pas très bien les Mapuche, cet après-midi, j'ai été voir sur Wikipédia, parce que voilà, c'est là que je vais. Et en gros, si j'ai bien compris, donc les Espagnols sont arrivés en Amérique latine, ils sont descendus vers le bas, vers le sud de l'Amérique latine, et ils ont rencontré les Mapuche, il y a eu une résistance, mais plus ou moins vers 1600 ou 1600, les Mapuches sont arrivés à les arrêter, plus ou moins. À les arrêter, à les faire reculer même un tout petit peu. Et puis, à un certain moment, les Espagnols, ils ont lâché prise. Ils se sont dit, c'est trop compliqué. On laisse comme ça. Et puis, les Mapuches, ils ont pu gérer leur propre territoire, disons, jusqu'à l'indépendance, ou les indépendances en Amérique latine. Et puis, au début du 19e siècle, en fait, ils étaient dans le chemin parce que et les Chiliens et les Argentins voulaient aller vers le sud, parce que c'était la Patagonie qui leur intéressait. Les Mapuches étaient dans le chemin. On a recommencé à harceler les Mapuches. Et ça a pris très longtemps. Ils ont essayé de faire une pacification. Ça n'a pas vraiment réussi, mais ils ont quand même pu conquérir plus ou moins le territoire. Et ça a continué plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, sauf que dans les années 90, il y a eu une certaine renaissance de la résistance. Oui, il y a beaucoup d'informations qui correspondent. Heureusement, Wikipédia a bien fait son boulot. Voilà. Et nous aussi, on peut conseiller pour l'instant en français www.feula.be. Et on a mis de l'information justement très sur l'histoire un peu du conflit, l'histoire du peuple mapuche. Et il faut dire que cette avancée des Chiliens et de l'armée chilienne, qui avait justement fini d'annexer le sud du Pérou et aussi avait réussi à prendre la sortie vers la mer qui avait la Bolivie à l'époque. Et c'était cette armée triomphante, cette armée qui avait été justement bien équipée par les États-Unis de l'époque et par l'Angleterre. Et justement, elle se tourne vers les territoires Mapuche, un territoire où les Espagnols n'avaient pas réussi à mettre le pied et ils avaient justement été forcés de reconnaître le territoire. L'État chilien a même reconnu ces accords signé avec les Espagnols en reconnaissant un peuple qui habitait au sud du fleuve Biobío. Il s'appelait même la frontière sud. Donc c'était là que le Chili s'arrêtait. Mais comment les Américains et les Anglais avaient besoin des mines de nitrate existant dans les territoires qui appartenaient à la Bolivie et au Pérou, il y avait aussi comment on appelle le guano. C'est un peu le... Non, c'est pas le salpêtre, c'est pas le nitrate, c'est en fait la... c'était ce qu'on utilise justement pour... C'est peut-être pas très important, mais oui, en tout cas, ils sont revenus de la guerre avec le Pérou et la Bolivie, bien armés, les Américains et les Anglais, et puis ils se sont mis... Oui, parce que, par exemple, ils sont annexés justement les territoires très riches, que maintenant, on sait très bien qu'il y a Chili, le Chili est les principaux producteurs de cuivre, et les principaux producteurs de lithium maintenant, et des molybdènes, il y a de l'or dans cette région. Donc, c'est Chili qui avait conquéri, grâce à l'aide des États-Unis et de l'Angleterre, qui avait annexé ces terres, et ça retourne vers le sud, et ils décident de s'avancer, d'avancer vers les territoires mapuche et le occuper et le réduire militairement. Donc on se retrouve avec des tueries, ce qu'il a été mal appelé la pacification de l'Araucanie. Et ça dure, on peut dire, jusqu'à maintenant, quoi. Parce que maintenant, c'est plus les Espagnols, c'est plus les armées chiliennes avec des petites fusils, c'est les grosses compagnies multinationales qui débarquent dans les territoires et qui achètent des grosses portions de terrain, parce que grâce aux lois laissées justement par la dictature de Pinochet, la libéralisation du marché te permet maintenant, si tu as de l'argent, t'achètes un fleuve. Tu construis un barrage et c'est fini. Et tu t'en fiches complètement des gens qui habitent. Donc voilà. Donc ça, justement, les gens qui habitent, le peuple mapuche n'allait pas se laisser faire. Ils se sont révoltés depuis tout le temps. Et ça n'a jamais arrêté. C'est seulement que, il faut dire que la gauche classique, social-démocratie maintenant, parti communiste, machin, et avait reconnu le peuple, avait commencé à reconnaître avec Allende le peuple mapuche, mais d'abord les paysans. Donc ils étaient reconnus d'abord comme paysans, et ensuite ils avaient commencé à reconnaître le peuple comme peuple indien. Mais ça a duré trop peu de temps, parce que justement, 73, paf, fini. Coup d'État, Pinochet, libre réalisation du marché, Chicago Boys, capitalisme sauvage, et voilà. Il faut dire que pendant la période d'Allende, ils avaient commencé l'idée de planter d'eucalyptus pour pouvoir justement exploiter cette terre, mais donner justement cette production à la population qui habitait. C'était pas donner ça aux multinationales. Bon, coup d'État, la dictature de Pinochet naturellement a repris le programme, mais au bénéfice des multinationales. Donc maintenant, on s'est retrouvé avec des sapins qui avaient déjà poussé, années 90, comme au début des années 90, une libéralisation totale du marché, l'industrie du papier, du bois qui s'installe dans la région, et un peu partout, et on se retrouve dans un territoire occupé, style comme tu vois la carte de la Palestine, par exemple, et tu vois les territoires occupés, un vrai archipel, c'est ça maintenant aussi, le territoire mapuche, des communautés entourées des multinationales qui essayent de continuer à bouffer la terre pour la faire produire de l'argent. Et des côtés argentins, c'est pareil. La communauté est moins nombreuse, mais on se retrouve aussi avec des problèmes, par exemple avec Unite of Colors Benetton, qui fabrique des vêtements à l'estil Bangladesh, comme on a vu tout à l'heure, il y a pas longtemps, avec l'effondrement de ces bâtiments. Et là-bas, ils pillent les terres. Et le peuple mapuche se voit aussi persécuté, appliquer des lois spéciales, rien que pour eux. Et voilà. C'est un peu ça. Voilà, et donc entre cette histoire et la raison pour laquelle vous êtes ici, il y a aussi une histoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hier ? Oui, comme c'était connu pendant les années de la dictature, il y a un exil des gens qui ont dû quitter le pays, donc des gens chiliens, des argentins, mais qui avaient aussi ces origines. Tu vois, qui se sont renforcés et grandis pendant cet exil. Donc maintenant, ces exilés et se sont organisés en soutien à ces origines. Donc tu as des Mapuches qui avaient quitté le pays pendant la dictature de Pinochet et qui se solidarisent, qui soutiennent la lutte du peuple mapuche qui résiste aux multinationales et aux lois, en fait, laissées par Pinochet. Et nous, on s'organise justement, on soutient ici en Belgique et aux Pays-Bas la Fondation Folil. Il y a ici Raphaël, il y a Lina qui représente justement une association de défense aux peuples menacés en Cologne. Il y a des camarades qui viennent de Munich. Et il aura demain une vidéoconférence avec des amis qui sont à Madrid, qui viennent du territoire de Walmapu, qui représente un réseau de communicateurs sociaux assez important, Mapu Express, qui seront là avec nous via la technologie, parce qu'ils ne sont pas su venir jusqu'ici. Tout à l'heure, on a partagé quelques heures avec Umberto, un camarade qui vient justement de la région de Coyipulli, qui sont Panguipulli. Alina vient de là-bas aussi. Elle a rencontré quelqu'un de sa localité pour nous expliquer justement son voyage. Il vient justement de maintenant il vient de l'Italie. Il a été à Rome pour la réunion des actionnaires de Enel, la compagnie d'électricité italienne, qui justement a entrepris de travaux là-bas au Chili pour construire des barrages électriques, parce que le Chili a besoin de l'indépendance énergétique. Faux. c'est pas pour les citoyens, c'est pas pour chauffer les foyers, c'est pour arriver à fournir de l'électricité pour l'exploitation minière, pour les multinationales encore, au nord du Chili. Et pour transporter cette électricité, chose qui est aussi un grand mensonge, mais ils disent qu'ils vont le faire, ils doivent passer justement par les territoires Mapuche. Ils doivent couper, casser, il y a 2000 km à faire, des tours d'électricité monstrueuses qui vont s'installer. Et là, naturellement, le peuple Mapuche ne va pas se laisser faire. Donc, il est urgent, ce soutien, cette solidarité. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis l'année passée à Amsterdam, cette année à Bruxelles. Et on continuera à se coordonner justement pour soutenir la lutte du peuple Mapuche. Apparemment, il y a eu la conférence déjà l'année passée à Amsterdam. Peut-être que tu peux nous raconter d'où vient cette initiative de faire des conférences en Europe. Había la necesidad, como se puede decir, de coordinación. Porque en diferentes países en Europa hay agrupaciones que apoyan al pueblo mapuche, pero no había una coordinación como se está viendo ahora. Y por eso que en Amsterdam se inició la primera reunión, que fue en marzo 2000... Febrero 2012. Qui va traduire l'espagnol? Je parle un peu, mais pas assez. Oui, mais il vient justement des Pays-Bas, donc Hans, tu peux... Tu kunt ook in het Nederlands praten, dan kan ik al vertellen. Oké, nou ja, goed. Nou ja, goed, wat ik in Spaans zo net heel kort zei, is er zijn verschillende groepen werkzaam in Europa, in bijna elk land eigenlijk. En er was een behoefte om dit werk toch te coördineren. Want sommige groepen hadden dus 5 leden, andere hadden 2, andere hadden 3, maar sommige hadden maar 1 lid. Dus ja, het was voor hun heel moeilijk om iets groots aan te pakken of iets op mensen op de been te brengen. Ils ont pris l'initiative de commencer avec des rencontres l'année passée à Amsterdam, puisque il y a plusieurs groupes dans différents pays en Europe, mais qui sont parfois pas très nombreux, et donc il y avait besoin de se voir, de se coordonner afin d'arriver à une initiative plus importante. Ja. Nou ja, goed, we proberen nu krachten te bundelen, zeg maar, om toch een veel grotere signaal af te geven naar Chili toe. En zo van, de Mapuche staan niet alleen. We proberen de groep bij elkaar te brengen en ze ook een signaal te geven, ook aan de Mapuche voor het moraal, dat ze eigenlijk niet alleen staan, maar dat we achter hun staan en we ze ook graag willen helpen hierbij. Donc le but n'est pas seulement de se réunir pour avoir un soutien de l'extérieur vers les Mapuche du Chili, mais aussi de montrer aux Mapuche qui a bien un soutien de l'extérieur. Pavel heeft zo net een beetje de samenvatting voor het Mapuche volk een beetje verteld, dus ik ga daar verder niet echt veel op in, maar het is wel een feit dat een probleem aan de gang is. Sinds honderden jaren. En voor Mapuche mensen is er niet erg veel veranderd in hun situatie qua democratie. Want wij vinden dus dat zij wel in een zogenaamd democratisch gekozen regering zitten, maar voor hun gelden wel de strengste straffen in Chili. Pavel vient de nous raconter un peu l'histoire en général de ce qui s'est passé au Chili. Mais une des raisons pour lesquelles ils se mobilisent, c'est le fait que, quoi qu'ils soient soi-disant dans une démocratie chilienne, qu'il n'y a pas l'égalité dans le droit, et que par exemple, qu'il y a des peines qui sont beaucoup plus lourdes pour les Mapuches que pour les autres Chiliens. Mais alors j'ai une question, dan heb ik nog een andere vraag. Donc c'est... Est-ce que les Mapuches se considèrent comme des Chiliens et donc qui disent qu'il y a une discrimination, Ou est-ce qu'ils disent, nous, on n'a rien à cirer? Dus mijn vraag is, als je me begrijpt, ik weet het niet. Begrijp je Frans? Ja, ik begrijp een beetje. Ja, ja. Of zich Chileens voelen of niet. Ja, want als je spreekt over discriminatie in de Chileense wetgeving, als je zegt van, ja, wij horen er eigenlijk niet bij, kun je dan kwalijk nemen dat je anders behandeld wordt? Min of meer. Het is nog, eigenlijk nog veel erger. De Chileense overheid of de regering, ook tijdens Pinochet, heeft gezegd, in Chili is maar één volk, en dat zijn de Chilenen. Dus wij bestaan in wezen niet, want wij zijn de eerste Chilenen, zou je moeten zeggen. Maar wij zien ons niet als Chileen, wij zijn trots op ons Mapuche zijn. In dit geval wordt dus onze waarde afgenomen, zo zien wij het weer. Discriminatie bestaat voornamelijk uit, niet zozeer omdat je Mapuche bent, maar puur omdat je van je volk houdt. En tout cas, l'État chilien ne considère pas les Mapuche dans le sens que pour eux, il n'y a que des Chiliens et il n'y a pas de la reconnaissance du peuple en soi. Et puis en plus, la discrimination n'est pas là juste parce que les gens se disent Mapuche, mais parce qu'en fait, ils se disent qu'ils ont un sens d'amour de leur peuple ou de leur nation. Et que c'est surtout ça qui est mal pris, si j'ai bien compris, par l'État chilien. Mm-hmm. En het is een hele oude opvatting van de Chilenen, dat de Mapuche bijvoorbeeld ongeschoold zijn. Chilenen zouden niet kunnen geloven dat ik nu Nederlands praat, bijvoorbeeld. Dat vinden ze vreemd. Engels, helemaal. Dat Mapuches Frans kunnen, dat kan niet. Dat kan niet. Dus ik denk dat die discriminatie meer zichtbaar is. Donc en fait, la discrimination, ça veut dire que, par exemple, pour les Chiliens, c'est inconcevable qu'un Mapuche peut parler le néerlandais, comme on le fait maintenant, ou l'anglais, ou d'autres langues. Donc il y a une vue des Mapuche qui est très négative, en ce sens que c'est pas une culture ou une civilisation. Mm-hmm. Alle négatieve stereotypen van vroeger, dat in dit jaar, in dit zeg maar 2013, wordt daar nog steeds over gesproken. Zo van, ja, ze leven ver weg van de westerse wereld. Ze wonen nog in oude huisjes. Ze reizen niet naar een ander gebied. Dus het is heel simpele stereotype zaken, zeg maar. Donc les vieux préjugés qui existaient déjà loin avant, aujourd'hui en 2013, ça existe toujours de la même façon. Ja, terwijl we nu eigenlijk bezig zijn met heel andere dingen. We hebben politieke problemen die opgelost moeten worden. We hebben bedrijven die onze gebieden bedreigen. Daar maken wij ons als Mapuche meer druk op dan die stereotype racisme. Quoi que c'est pas de ce stéréotype là que les Mapuche se soucient, c'est plutôt des problèmes politiques et surtout le problème des grosses entreprises multinationales qui sont une menace pour leur existence. Est-ce qu'on peut encore changer de... Non, il n'y a pas de questions. Non, solo cambio. Oui, un peu concernant la loi. La loi. Le Chili a utilisé plusieurs... stratégie en fait pour chercher à soumettre le peuple mapuche, pour en fait essayer de casser le peuple mapuche parce qu'ils veulent qu'il devienne chilien. Ça divise un peu l'idée de que maintenant le Chili, le gouvernement chilien essaye, l'État chilien essaye de faire rentrer dans la constitution chilienne les mapuches. Il y a certains mouvements qui sont plutôt pour parce que ça permettrait justement de reconnaître le peuple mapuche. Enfin, et des autres qui disent, mais ça va pas, ça va être quoi? On va devenir des Chiliens. Et franchement, aujourd'hui, être Chilien, c'est rien du tout. Être citoyen aujourd'hui d'un pays que tu contrôles pas, c'est les multinationales qui le contrôlent, donc tu deviens simplement un sujet, presque. Tu vois, donc c'est comme dans une monarchie, tu es un sujet du roi, Donc, les rois sont les multinationales, et au moment que tu deviens chilien, tu es un sujet de ce roi. Donc, c'est un peu, naturellement, les gens qui sont beaucoup plus engagés politiquement, ils voient ça comme un danger. Et ils essayent d'avertir que c'est une sorte de piège. L'État, dû à le soulèvement de certaines communautés et l'organisation de tout le peuple mapuche, ils voient en ça un danger. Donc, ils sont ressortis dans le gouvernement de Bachelet, qui prétend maintenant retourner à la carrière politique avec un. Il veut se présenter à la réélection, à la prochaine élection, l'année prochaine. Cette année, en fait. Novembre cette année, et elle veut se présenter. En fait, elle a appliqué la loi antiterroriste laissée par Pinochet au peuple mapuche. C'est un peu la même situation qui ont vécu les Espagnols. Ils ont appliqué les Espagnols aux Basques. Ils ont appliqué la loi antiterroriste. C'est à peu près la même chose. Ou, par exemple, le fait d'avoir mis le feu à Santiago, au nord du Chili, en dehors du territoire mapuche, un conteneur de poubelles, par exemple, paf, en flamme. Ça a été considéré. C'est considéré dans le reste du territoire chilien comme un délit commun. Tu payes une amende, tu fais maximum 3 à 6 mois de prison, peut-être, mais c'est tout. Mais si ça, tu l'es fait dans le territoire mapuche, dans le cadre du soutien au peuple mapuche, tu risques de devoir appliquer la loi antiterroriste, et cet incendie est considéré comme incendie terroriste. Donc c'est exactement la même sorte de loi qui se sont vu appliquer les Basques, par exemple. Donc le Chili prend des exemples de tous les centres de pouvoir répressif d'un peu partout. La loi antiterroriste faite par Pinochet, c'est une copie de la loi antiterroriste de Thatcher. Sauf que Thatcher n'avait pas prévu le fait que Bobby Sands allait se faire élire député membre du Parlement. Pinochet a changé la loi, donc tu ne peux pas te présenter à n'importe quelle élection, tu perds tous tes droits. Donc, et maintenant, cette même loi antiterroriste qu'applique l'État chilien contre les Mapuches, perfectionnée par les gouvernements qui ont suivi, c'est la même loi antiterroriste qui applique l'État israélien contre les Palestiniens avec l'arrestation administrative. C'est exactement la même. Un abus de pouvoir, considérer ces gens comme des sous-humains ou des dangereux terroristes, des gens qui ne sont pas des êtres humains et sont dangereux, il faut les châtier et faire savoir que ce n'est pas le schéma. Donc tu vois, c'est un peu, ils utilisent maintenant le droit. Mais il y a une nouvelle étape maintenant, dans la lutte contre le peuple mapuche, et qui vise maintenant à casser complètement la volonté. Ils ont cherché d'abord à casser, les persécuter, les sont accusés de terroristes, ça n'a pas marché. Ils ont enfermé des gens, il y a encore presque une trentaine de prisonniers politiques accusés de terrorisme. Mais le peuple chilien commence à prendre conscience, ils sont déjà conscients que ce n'est pas des terroristes. Ils défendent simplement leur droit d'exister, leur droit à la terre. Et tout. Ils ont appliqué après le fait de faire des condamnations à cause de qu'ils ont mis le feu à des propriétés privées. Donc voilà. Maintenant, mais ils s'attaquaient directement à ceux qui luttaient, à ceux qui réussissaient à attraper ou à accuser. Mais maintenant, à partir du mois de janvier, après la réunion de la CELAC, qui est la réunion des chefs d'État de l'Amérique latine et des Caraïbes, où il y a eu un grand soutien à la lutte du peuple mapuche grâce au travail qu'a fait une parlementaire européenne, Ana Miranda, qui est membre du Bloc nationaliste de Galice. Elle a réussi à faire une déclaration finale de soutien à la lutte du peuple mapuche. Le gouvernement chilien n'a pas bien pris ça. Et ensuite, il a eu quoi? Il a eu un sommet mapuche dans le territoire qui a été fortement suivi. Justement, il y a eu des gens qui ont participé à la réunion de la CELAC qui ont profité d'aller aussi à cet sommet de peuple. Résultat, après ça, une charge policière, des perquisitions brutal jusqu'à maintenant, jusqu'il y a 4 jours. Il y a eu une perquisition de la part de la police civile avec des hélicoptères, plus de 150 effectifs militaires armés jusqu'aux dents. Et pour arrêter qui? Les autorités, si on peut dire, spirituelles, religieuses, comme c'est le machi. Est-ce que je peux t'arrêter un moment parce que ça va très vite là? Je propose quand même une petite musique, qu'on se parle un peu entre nous pour voir comment on fait. Ça va. Et puis on repart, ça va? Cool. Escudos de España, nuevas tierras quieren conquistar. Se adentran en la selva sagrada de una magia espiritual. Traen en su alma la ambición de riqueza y poder, aturdido el corazón. Van dejando senderos, llagas, cicatrices de dolor. Es cruel el extranjero, intruso, dice machi en el lobo. La naturaleza protegerá sus cuerpos desnudos, hijos del año que mapo lucharán. Mapuche, Mapuche, Mapuche, Mapuche. El invasor, la cruz de aquel calvario, testigo fiel de sangre y destrucción. Han sido vigilados mucho tiempo atrás, Toki sigiloso da la orden, se abalanzan a matar. Vientos de tinieblas amenazan a su majestad. Escribe un sacerdote, este pueblo es fiero y no echa paso atrás. Espada contra piel, esa es la historia. El cielo, el sol se unen, se oyen gritos que dan paso a la victoria. Mapuche, Mapuche, Mapuche. Voilà de retour. C'est un peu improvisé ce soir, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Et voilà. Et donc, mais je vais faire un peu le tour de la table parce qu'il y a quand même plusieurs invités. Je m'adresse à Lina qui vient pour le week-end de Mapuche, la rencontre de Cologne, qui est coordinateur. À Cologne, d'une association qui travaille sur les peuples menacés. Et donc, Alina, racontez-nous pourquoi tu t'es engagée dans cette lutte en solidarité avec les Mapuches. Bonsoir. Me llamo Alina, soy de Colombia y también soy mapuche y soy coordinadora de la Asociación para los Pueblos Amenazados. Y estoy aquí para encontrar nuevos contactos. Donc, je m'appelle Alina, j'habite à Cologne. Je viens ici parce que je suis mapuche et... Je suis bénévole à une association voilà, pour la défense des peuples menacés. Et je travaille en Allemagne avec les médias de communication. Je organise des activités, je organise des manifestations, des protestes. Donc, je travaille. Je travaille. Pour un moyen de communication. Oui, avec les moyens de communication. Pour, là, pour organiser des manifestations, des protestations en Allemagne. Et desde un punto de vista como mujer mapuche, pero viviendo en Alemania, yo también veo un problema de... Donc, mon point de vue est comme une femme mapuche, mais qui habite en Allemagne. En Alemania la gente tiene muchos estereotipos sobre la mujer indígena. Por ejemplo, tienen imágenes en la cabeza como Pocahontas o que una mujer bella con cabello largo que está muy cerca a la naturaleza y habla con los animales. Oui, bon, c'est justement en Allemagne, c'est un peu partout, et il y a les Allemands ont beaucoup des stéréotypes concernant les Indiens. Donc, une fois déjà, quand tu dis Indien, ils voient Pocahontas, une femme avec les cheveux très longs et un contact permanent avec la nature et qui parle avec les animaux. Donc, c'est des choses que justement il faut un peu. Oui, c'est la faute à Walt Disney. Y siento que la gente en Alemania con todos esos estereotipos se está olvidando que detrás de una mujer indígena hay más que estos estereotipos, hay más, porque la mujer mapuche está luchando igual que el hombre mapuche y la mujer mapuche apoya al hombre y está... En la primera línea, en la primera fila, están tomando, por ejemplo, tomaron el centro de UNICEF en Santiago. Oui, par exemple, il faut se rappeler que il y a la femme mapuche et sa position dans cette lutte, elle est loin de cette stéréotype que nous a mis dans la tête. La femme mapuche, justement, à côté de l'homme mapuche, en train de se battre, justement. Et elle nous rappelle l'action menée par des femmes mapuche quand ils ont décidé d'occuper le siège de l'UNICEF à Santiago. La mujer mapuche dentro de la familia, ella es el núcleo, ella es la persona que educa a los niños, que transmite la cultura y que tiene toda la sabiduría. Y ella y sus hijos y los ancianos, ellos son las personas que sufren más por la represión que existe, por ejemplo, en las reducciones en Chile. La femme mapuche, sa position dans la culture mapuche, elle est très importante puisque c'est justement elle qui porte la vie. C'est elle qui justement a la responsabilité de former, justement les enfants. Elle est en contact permanent, donc c'est elle qui transmet justement les traditions et elle est justement grâce à elle que cette tradition continue. Voilà, c'est le noyau principal. Et no hay que olvidar que la mujer mapuche no solamente tiene una realidad que del campo, también la mujer mapuche es una de las personas que siempre, ya por siglos, tenía que viajar a las ciudades para mantener a la familia, para trabajar como nana. Y ella es la persona que tenía que salir de la reducción. C'est justement la femme mapuche, il ne faut pas oublier que c'était pas, c'est pas une simple fonction dans cette société. C'est elle qui a réussi à sortir de la communauté pour aller travailler à la ville, pour pouvoir soutenir la famille. Quoi. J'ai une petite question. J'entends le mot la réduction. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un peu comme le même système qu'il y avait aux États-Unis, comme des réserves. En fait, avec les invasions des militaires, les communautés et la population a été repoussée et elles sont finies enfermées dans des espèces de réserves. Et en fait, ça a reçu le nom d'une réduction. Ok, merci. Y la vida de la mujer mapuche en el campo no es la única realidad que existe, sino, como lo mencioné, la mujer mapuche que vive en la ciudad y no sabemos mucho qué pasa con esa mujer, qué luchas tienen esa mujer, qué hacen para poder mantener su cultura o si es posible mantener la cultura. No sabemos esto porque viven muy lejos de la reducción de su comunidad y es otra lucha que tienen que luchar cada día por sus hijos, por su familia. Así que la realidad en el campo no es la única realidad que viven los mapuches, sino hay muchos mapuches que también viven en la ciudad. Oui, la realidad de mapuches se reduce pas seulement a la realidad de la campagne, dans les territoires. Il y a beaucoup de, surtout la femme mapuche qui a dû on peut dire émigrer, sortir de cette réserve, se réduire pour aller travailler dans la ville, beaucoup de fois comme bonne à la maison des Chiliens, pour pouvoir justement maintenir, amener du pain à la maison. Donc il y a eu des fois que cette femme a vu couper ses liens avec la communauté. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue, de quelle façon elle fait pour maintenir ses traditions, son contact avec sa forme de vivre, le fait d'être mapuche dans la ville. Y yo como mapuche que tiene totalmente otra realidad, yo vivo en totalmente otra realidad, yo puedo hablar, por ejemplo, lo que pasa a mí, qué estereotipos tengo que luchar en Alemania, por ejemplo, porque cuando nosotras las mujeres usamos la vestimenta tradicional, se ve muy bonito y toda la gente quiere sacar fotos, pero olviden que detrás de una apariencia tradicional con las joyas tradicionales también hay demandas políticas y solamente ven, una mujer indígena, qué bonito, pero detrás de eso nosotras las mujeres igual tenemos demandas. Voilà, elle nous raconte justement qu'elle doit aussi en Allemagne, à l'endroit où elle habite, comme femme mapuche, elle doit se battre justement contre ces stéréotypes qui font que, par exemple, quand elle met ses vêtements traditionnels, avec tous ces bijoux traditionnels, les gens ils voient dans la rue rien qu'un objet pour se faire des photos, et parce qu'ils trouvent intéressant et oui, joli de se faire des photos avec une femme indienne. Ils ne voient pas que derrière ça, en fait, il y a une demande politique. Comme femme mapuche, et c'est une demande politique qu'ils sont en train de faire en portant leurs vêtements. Et c'est contre cette sorte aussi de stéréotypes qu'elle doit se battre souvent en Allemagne. Et yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar mi traje tradicional, pero yo tampoco quiero ser usada. Yo tampoco quiero ser alguien de una foto. Yo no quiero representar solamente folclore. Yo soy viva, yo vengo de un pueblo vivo, no estamos extintos como el Estado chileno quiere mostrarnos, estamos vivos y no somos folclore. Voilà, moi justement, j'aime porter mes vêtements traditionnels, mais je ne veux pas me faire mettre mes vêtements pour être utilisé. Je veux pas, je suis pas une photo, je suis pas une pièce folklorique. Il y a beaucoup d'autres choses qui moi et mes vêtements et ma culture représentent. Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, on a entendu Dolma devant le micro. Alors, raconte-nous pourquoi est-ce que ça te motive de t'engager dans un soutien pour les Mapuche? D'où est-ce que ça vient? Personnellement, en fait. Oui. D'accord. Ça a commencé avec un questionnement du système dans lequel je vis. Et, bon, je pense qu'un peu tous, on se pose la question à un moment, on se dit mais pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je dois étudier pour travailler, pour gagner des sous, et à la fin quoi, qu'est-ce que je vais profiter vraiment? Est-ce que je suis née pour ça? C'est ma question. Et donc voilà, j'ai eu la chance, en fait. Je me suis dit, j'ai la chance quand je suis née dans un pays où il y a une alternative, il y a une autre façon. Et c'est pour ça qu'en fait, en général, les peuples autochtones ont quelque chose à transmettre et à montrer. Oui, j'ai voulu m'approcher de ça. Et j'ai commencé, en fait, j'ai étudié sociologie à la base, et j'ai voulu en fait voir donc des systèmes d'organisation qui sont différents du système capitaliste, voire même communiste ou n'importe lequel. Et je me suis approchée d'abord en regardant l'aspect éducation, et c'est seulement là que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un aspect système, on va dire, politico-administratif qui changeait tout, rien que le fait que c'est pas un système centralisé, c'est que chaque famille a son chef, il y a une coordination, il y a des, par exemple, le Traoun qui est la rencontre. La rencontre qui est en train de se passer maintenant. En fait, traditionnellement, le Traoun, c'est quoi? C'est quand il y a une problématique qui atteint toute la population, bah, alors tout le monde vient. Tout le monde vient, tout le monde parle, et absolument tout le monde a le droit de parler. Oui, les autorités traditionnelles ont un espace spécifique et, on va dire, prioritaire où ils peuvent parler. Mais si l'enfant veut parler, il a le droit de parler. Et tout le monde prend la décision ensemble. C'est une façon de s'organiser qui est tellement différente. Non, on va choisir un représentant, du représentant, du représentant, et c'est lui qui va prendre la décision, et on ne va pas nous poser la question. Alors, ça m'interpelle. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, concrètement? Concrètement, je suis en train de finir une thèse de doctorat en sciences politiques, dont le sujet principal, c'est en fait le mouvement Mapuche, voir si ça fonctionne comme un mouvement social, si ça fonctionne comme un mouvement qui va s'approcher un peu plus des mouvements anticapitalistes, ou bien même devenir, enfin, un mouvement politique, parce que la participation dans le système politique chilien, même aussi du côté argentin, ça a toujours existé, en fait. La population mapuche a participé, a eu même des ambassadeurs, et ils ont eu des députés, pas aujourd'hui, mais bon. Et selon toi, pour l'instant, dans quelle direction est-ce que ça va? Ce serait un peu m'avancer sur ma thèse, mais pour moi, ce que je vois jusque-là, c'est que en fait, la participation politique ne fait que décevoir. C'est que ça va disparaître, ça devient... Il y a de plus en plus un ras-le-bol, on essaye, on essaye, on essaye, et ça marche jamais. gouvernement de gauche ou de droite, ils font pas attention, là, franchement. Ils leur donnent pas un espace. Donc, moi, j'ai l'impression que la tendance, elle est plutôt mouvement social et s'éloigner de la politique, quoi, parce que, bon, ils ont essayé pendant longtemps, quoi. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Ce que je voudrais dire, tu dis plein de choses intéressantes, mais est-ce qu'il y a un espoir quand même? Il y a quand même un espoir dans toute la lutte du peuple mapuche, il y a quand même un espoir. Moi, je vois un espoir, oui, mais est-ce que cet espoir est basé dans, enfin, ou peut s'appuyer sur le système politique? Je ne sais pas. J'ai des doutes. C'est facile de perdre la foi politiquement, on va dire, vu tout ce qui se passe. Mais... Ah, pardon. Je passe une petite musique? Oh, oui. Si ça vous va, hein? Non, rien. Pourquoi tu vas mettre une musique? Ça va. Bon, Mayenne. Amun ga warrior meu, pelan ga ni chong ne chen, Voilà, donc j'aimerais encore bien de poser une petite question à Raphaël. Donc Raphaël, il vient de l'Hollande. Il est Mapuche, il travaille pour la Fondation Folil et je veux bien lui demander quelles sont leurs activités et qu'est-ce qu'ils font. Dus Raphaël, ik vertelde net dat je uit Nederland komt, dat je Mapuche bent, dat je werkt bij de stichting Folil. Klopt. En ik wou je dus nog eens vragen wat jullie activiteiten zijn, wat jullie doen. Nou ja, onze voornaamste activiteit is toch informeren, want dat is wat nodig is in Europa. Dat men weet wie de Mapuches zijn en waar ze vandaan komen. Donc leur activité principale c'est l'information parce que c'est important qu'en Europe qu'on sait qui sont les Mapuches et qu'est-ce qu'ils font. Ja. En daarnaast houden wij dus ook lezingen, organiseren evenementen zoals dit, Trawun, wat wij toch heel belangrijk vinden. We proberen ook zoveel mogelijk traditionele woorden te gebruiken. Zoals Trawun. En in juni hebben wij de Wetsipantu, dat is Mapuche nieuwjaar, gaan we voor de vijfde keer vieren in Europa. En donc, ce qu'ils font entre autres, c'est organiser des conférences et des rencontres comme demain, le Trawun. Pour eux, c'est très important d'essayer d'utiliser les mots d'origine. Comme par exemple, ils ont une activité en juin, et j'ai déjà oublié le mot. Wetsipantu. Wetsipantu. Ça veut dire nouveau. Ça veut dire le nouvel an. C'est le nouvel an Mapuche. Et nieuwjaar Mapuche, dat is op dit jaar op 22 juni. Cette année-ci, c'est le 22 juin. En dat gaan wij ook vieren internationaal. Dus mensen uit heel Europa komen naar Nederland toe en dan gaan we het zo traditioneel mogelijk vieren. Et donc ils vont organiser la fête en Hollande et il y a des gens de partout en Europe qui vont y aller pour fêter ensemble. Ja. Nou ja, goed, wat ik daarna zei, dus informeren via de radio, via internet voornamelijk. We steunen ook internetgroepen in Chili zelf, zodat ze onafhankelijk werk kunnen doen. Dus ook media inderdaad. We maken documentaires. Donc ils font la radio. Ils soutiennent aussi des radios, ils travaillent par Internet, ils soutiennent des groupes qui essayent de faire des médias indépendants au Chili, ils participent à la production de documentaires, etc. Ja. Nou ja, onze pagina in Nederland is dus mapuche.nl, waar je ons kunt vinden. Daar staat ons adres op, telefoonnummer. Als jullie contacten, vragen hebben, kun je altijd terecht. Donc, leur site, c'est mapuche.nl, c'est facile. Le site il est en hollandais, bien sûr, mais aussi en espagnol. Et si jamais vous avez des questions, le site, je l'ai devant moi, il a l'air d'être très clair et très informatif. Et pour le reste, il n'y a pas de barrière. Donc, comme je l'ai dit, nous avons contact avec différents pays. Donc, il y a toujours quelqu'un qui français, spreekt, Duits spreekt, ou, noem maar op, Engels. Donc, pour les langues, c'est comme chez Transdanar, il n'y a jamais de problème. Dans le sens que dans le réseau, il y a toujours des gens qui parlent le français ou l'anglais ou l'allemand. Nou ja, goed, voor de rest zou ik jullie graag willen uitnodigen, tenminste het publiek, voor zondag. Als jullie vragen hebben en ons willen ontmoeten, kom dan naar de openbare meeting, waar iedereen terecht kan voor contacten, voor vragen en de Mapuche te ontmoeten. Et donc tout le monde est bienvenu ce dimanche pour s'informer, pour rencontrer les Mapuches. Donc c'est le Trawun, l'Encuentro Mapuche en Bruxelles, Belgique, comme je vois ici. C'est à la maison de la cohésion sociale d'Anderlecht, rue Ropsy-Chaudron 7. Donc c'est juste en face des abattoirs, ou quasi, si je pense bien. Voilà. Et c'est dimanche, à quelle heure? C'est dimanche à partir de 11h. À partir de 11h. Donc d'abord, vous allez manger les moules parquets aux abattoirs. Non, comme ça, vous êtes... Non, c'est l'apéritif. Nou, er zal daar van allerlei dingen te doen zijn. Er zal muziek zijn. Er komt een Mapuche-gitarist gaat dat spelen. Uit België trouwens. Donc il y aura plein de choses à faire. Il y aura aussi des concerts. Il y a un guitariste Mapuche qui habite en Belgique, notamment, qui va venir jouer. Oui, on a fait aussi une invitation à toutes les associations, à tout le monde associatif avec lequel Feula a eu affaire pendant tous ces derniers temps. Il ne faut pas oublier qu'on était très très on peut dire on a participé presque dans tous les grèves, les peu, très peu de grèves qu'a fait la FGTV cette année, mais quand même on a été presque dans tous les piquets. Donc il y aura des amis qui nous ont dit qu'ils allaient être là présents d'Action pour la paix, le Getting the Voice Out. Contre les centres fermés. Il y aura aussi les amis et les étudiants, représentants des étudiants, les gars de EGA, on a fait le travail avec eux. On a invité les étudiants de l'ULB. Il y aura aussi des amis d'Alternative Libertaire à Bruxelles. Et on a invité aussi ESG, c'est Égalité sans guillemets. Un SBL avec lequel aussi on a beaucoup travaillé les causes des défenses de la Palestine, la campagne pour la libération des prisonniers politiques au Maroc. Tout le monde, quoi. Oui, tous les bons, en tout cas. Oui, tous les bons, en tout cas. Et l'invitation, vous pouvez aussi la trouver sur IndyMedia. Elle fait partie de l'agenda. Donc là, il y a toute l'information qui vous aurait... En plus, il y a votre site, donc s'il y a des gens qui ont envie, au-delà de ce week-end, de s'engager ou de prendre contact avec des gens qui sont en soutien ici en Belgique pour les Mapuche ou avec des Mapuche, il y a le feula.be, donc feula, c'est le feula.be. Ça veut dire maintenant. Ça veut dire maintenant. Oui. C'est très bien. Parce qu'on a cru justement que c'était maintenant nécessaire justement de ce soutien politique entre le peuple, de cette convergence de lutte. Et il faut dire qu'il y aura cette cérémonie de clôture de cette dragoon, de cette rencontre. Il y aura des stands, donc des petites restaurations pour partager, surtout pour échanger des expériences, de connaître, se connaître, se reconnaître dans cette activité pour prendre de la force pour les prochaines activités. À partir des 15h, on pense projeter deux documentaires pour les gens qui sont un peu qui aiment s'asseoir et regarder dans une salle obscure. Un film, donc il y aura Temu Lemu, c'est un documentaire très explicatif de la cause Mapuche. Malheureusement, c'est seulement en espagnol, mais si vous avez des questions, on sera toujours là. Et après, il y a Résister pour continuer à exister, c'est un documentaire sous-titré en français, fait justement par des amis français qui se sont fait arrêter plusieurs fois et presque expulsés du territoire et du Chili par les autorités chiliennes. Donc c'est un documentaire justement pour regarder et bien comprendre le conflit. Ben, merci beaucoup. S'il y a encore des gens qui ont des choses à dire, c'est le moment. Oh, bedankt. Et ook. Merci beaucoup. Un dankeschön et merci beaucoup et tout le reste. Hein. Je ne sais pas Mapuche, comment on dit. Ciao tout mai. Ciao tout mai, voilà. Without Tungu, I could leave Kurufmu. Lie alone, you went to Punyen. Laielun, laielun, laielun, ni wen tupunye, langun tefe, langun tefe nye, langun tefe, langun tefe nye, fe wingalun kutraru. Langun tefe, langun tefe nye, langun tefe, langun tefe nye, fe wingalun kutraru. When to am I dying my bone? Fame to all I alone. When to am I dying my bone? Fame to all I alone. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.